des voix s'élèvent de la ruelle dans la mélancolie du soir. Sortis de bar ou de chapelle, chacun son petit exutoire. La ville resserre son étreinte et de pénombre et de lumière, entretenant doucement la crainte des braves gens retardataires. Un passant court à perdre haleine au bouche à bouche du métro. Moi je descends à la prochaine, préviens son cœur au grand galop. Même à courir à contre-cœur dans la cohue des temps modernes, t'avances toujours, y a pas d'erreur, et l'homme s'éloigne de sa caverne. Le nez planté sous les étoiles, je regarde un peu tourner la terre, tout en rêvant mettre les voiles chaque fois que je croise un courant d'air. Un autobus sur le boulevard en brinque-ballant rentre au dépôt. Tous ces pavés, pourrait-on croire, se sont jurés d'avoir sa peau. Les rideaux de fer sont tombés sur le spectacle des vitrines. Quelques tagueurs les ont bombés d'éclats de couleurs clandestines. Mais la nuit, tous les chats sont bleus à la lueur des ambulances. Même si chacun fait ce qu'il peut, c'est pas tous les jours que les souris dansent. Parfois la lune, ça suffit bien pour éclairer nos solitudes. Si le soleil revient demain, ce sera sans doute par habitude. Le nez planté sous les étoiles, je regarde un peu tourner la terre, tout en rêvant mettre les voiles chaque fois que je croise un courant d'air. Caniveaux pleurent comme des veaux dans le ronron des balayeuses. C'est pareil à tous les niveaux, les fins de fête sont douloureuses. Mais tout est bien qui finit pas, puisque déjà revient l'aurore. Et que nos nuits soient blanches ou pas, nos rêves y sont multicolores. Le nez planté sous les étoiles, je regarde un peu tourner la terre, tout en rêvant mettre les voiles chaque fois que je croise un courant d'air. Le nez planté sous les étoiles, je regarde un peu tourner la terre, tout en rêvant mettre les voiles chaque fois que je croise un courant d'air.